Bonjour à tous, vous êtes bien dans Conlambi, l'émission culturelle qui, une fois par mois, sera consacrée aux musiques jeudi, musiques d'aujourd'hui. Et je m'appelle EDS, je vous reçois aujourd'hui et vous venez d'entendre à l'instant le titre Mazouk Speed d'Akuji, compositeur guadeloupéen. Le projet est disponible en libre téléchargement sur le net, donc n'hésitez pas à aller sur son Bandcamp et taper Akuji. Le projet s'appelle Do Not Disturb, le Ascension Jazz. Et on va continuer tout de suite avec un titre de Tismé qui s'appelle Underground Bounce avec Mimi Nelzi en featuring. Underground bounce, y'all in. Batè gassin sot si an batè gren ka jirme underground se bel kote kome merveil japote ba l'ekol kristal ga jotan boubou ga toujou ke ni lan mou yo pe pa fè lan tout si ansan nou jodi se on ganjou jou a gen essence an ka mette ou dan ambiance kriye Edson excellence kriye mwen mon eminence an imaik la pou residence an ka mande bon te guidance tou toujou vi neve sens se ben pa wad vive ki silence nou toujou debout magre le koud koud nou ka reste a don good mood ka men le good food an ti gen essence li gisis ka ou pran amen nou asi on chimè nou ka kwe adam si moun ademè yo fè ke jè vwè zétoile si yo pa mèm ka gade niyaj si yo piyaj ka fè konkou ap pou mauvais siyaj yo lo me fè tigaj mon yon vè pa pran ségaj lang la sal ou mérite plis ki yon piti ménage lang la sal kon kri pa yo si wosh la tombe an jade a yo di yo kriye bulldozer mon kou a yo kon se bris ak a tel dem ni underground et overground au programme punchline de pil up comme you want di shango sound si pie bwa ka disparèt mè ke nu fi en barquette je di gachette tu se le target mè teknik tu ni en paquet pi gate jisha ka toulou. Alors ta wouche ton woukou, bambou qui fait un bon doukou, ta ou qui raconte des raids. Bounce, underground, Underground, underground. Bande spatio cabane ou bol. Si y'a pas parabole, c'est super bol. Je dis jeunesse, pas peu fait la jolle. Je n'y de drôle, de idole. Je dis maman, ne change d'X tout gen. J'ai accro alcool. Pas fait un cas bien voué à pâcher des gars. Son appui d'idole. Sans le bon cas monopole. La j'ai un fesse qu'à contrôle. Si people ni wall, way of life. Follow venu pistole. Pour vino fichol. Ni sa cavane fesse qu'on a de mol. On a monté la rivière en brasse. Là y'a qu'à descendre ni en crawl. On est plus lean qui livre les akamaké. On a fait des autres, bite en ordre. Les akas débarqué. Nous mène flow, nous mène mots, nous mène tactique. Nous mène les phrases, nous mène les phases, nous mène les techniques. Bon, nous mène les Vous êtes bien en Conelambi, musique jeudi et encore une nouveauté avec Underground Bounce de Tismé. Le projet est également gratuit en libre téléchargement sur le net. Allez sur sa page Bandcamp, Tismé aka Mano Dishango. Et on va poursuivre avec encore un tout nouvel album d'une artiste d'un autre style. Elle s'appelle Florence Napri, le titre est Étoiles en moins. Chaque fois la ligne laisse clair et chimère là. Le moins pas ça vaut la propre en moins qu'à mener moi. Le même si vous faites moins con avec passade qui m'ouvrait. Les cœurs en moins chargés qu'à peser et empêcher moins penser. En mettant ton père. Les toutes étoiles, j'arrête un envola. La moelle à cabigui dit l'empanie, force pour combat. Moi toujours songer, moi pas tout seul, waouh, en qui est drapé. On l'en même pour y lever, moi en oreilles pour coûter. poil en moins, extrait de l'album Fancon de Florence Napri. Et on va poursuivre toujours dans Musique Jeudi avec le titre Négocier du groupe La Chéchivé, avec le clip qui vient tout juste de sortir. Allez checker ça. On écoute Négocier. Négocier. Kaye la pa payan, mè ou lè priye. Fè ya 5 euros ou lè négocier réduction. Ou pa ni loye ou ka retire la kaye maman. Salèr ka tombe ki sa ou ka fè et pi la jan. Mè nou tout semble tout sa belle. Nou ni sa ki fò pou sa mère. Anti soirée dou sou sa tout moun a sou sa vin li zo tout la wè. Nou ni son nou ni tout sa vè. Reggae zou ki pop so cadence. Nou pe mande sa trop cash. Bon nou fos la party mwen pou sa tête. Foute les boucles la red. Kote kay foute tout sa lèr. Sou te kay zouke foute. Kecha ay tire sou la pi tout sa lèr. Ou pa ni sou d'apre. Mba dig nou tout a ye. Boucles la vini check nou pou pa veye la. Je double la pou bwen ti goutte la bière. Sans un bouteille champagne. Sante ye prend gratuit comme mouche à miel. Les pou soutien en vaine. Tout la jon pati dans ba écouche à l'ouè. Négocier. Kay la pa payan. Négocier. Mais ou le mieux. Négocier. Fè ya 5 euros ou les négocier réduction. Ou pa ni loye ou ka retire la kaye maman. Salèr ka tombe ki sa ou ka fè et pi la jan. Kaye la pa payan. Mais ou le mieux. Fè ya 5 euros ou les négocier réduction. Comptable dernier cru. Sans pièce unité. Ou fè pas crier alors ka prend photo négocier. Et pi. Nèg la toujours paré pour négocier. Que c'est nèg bonne mouche ou bien négocier. Que c'est pour rien c'est bec avec dossier. Papa yo fasta yo ke gade avec brosier. Pas qu'à négocier à la hausse. Mais toujours qu'à faire à la paix. Gade fidjita la bien rose. Mais il faut passer à la caisse. Priage à sacrifier cadeau gratuit. Pas fouti payer anti-parti. Ou sans ou ka roule en gros voici. Ou peut pas payer alors pas. J'ai scrisé ou à tout yon l'arrivée. Pas ni passer l'homme un fuck allé. Mettez 60 euros pour monter. Si en kata et fait conju. Épargne vue. Des toutes proches en grand plomb, mais où Kabouemo est échandon. L'auto en WW, qui ça ou le but nous négocier. L'été assise en carré, VIP c'est ça ou le. En misé, sans brenner, même si DJ a baoli bien. Chip là trop coûte ou mêlé. Les photographes là pas manger, obligé négocier. Faut pas le pâté à chubé. Kaïmen c'est qu'on saillé, tout le monde l'a contaminé. C'est pas vrai, y'a tout le monde qui a grillé. Gros monde pas sacrifié. Kaïmen c'est qu'on saillé. Tout le monde l'a contaminé. C'est plein frère, y'a tout le monde qui a grillé. Gros monde pas sacrifié. Kaye la pa payan. Mais ou le mieux. Frère y'a 5 euros ou les négocier réduction. Ou pas ni loyer ou ka retire la kaye maman. Salaire ka tombe qui sa ou ka frère et puis la jan. Kaye la pa payan. Mais ou le mieux. Frère y'a 5 euros ou les négocier réduction. Comptable dernier cru, sans pièce unité. Ou fait pas crier alors qu'à prendre photo et puis. Négocier, extrait de l'album La Chéchivé Création, groupe dont je fais partie, groupe de hip-hop créole. Et j'en profite pour dire que vous pourrez nous retrouver le vendredi 19 octobre au Downtown Café pour un sound system atelier hip-hop créole La Chéchivé. Et on continue avec un autre artiste de hip-hop créole qui nous présente son tout nouveau titre. L'homme s'appelle Malkema, le morceau s'appelle Mon Créole. Mon Créole, c'est Maurice Condé ou Aimé Césaire. Il est fier d'enrouler les R et manie la langue de Molière. Mon créole, il pète sa mère. Représente les territoires et les départements d'outre-mer. Mon créole parle fort dans le RER. Il injurie ta mère lorsqu'il est en colère. Mon créole, rappelle-toi bien de ses terres. Rappelle-toi bien. Mon créole n'est pas sectaire, au contraire il est très ouvert. Il t'accueille à bras ouverts même quand il est à découvert. Si tu pètes la dalle, il rajoutera découvert. Il ne sait pas, mais n'essaie pas de la lui faire à l'envers. Il grille grille, les feux rouges, et s'arrête au feu vert. Il met des suites en été, des débardeurs en hiver. Il ne vote pas à gauche, ni à droite, ni chez les verts. Il est cancer de la prostate et un lupus aux ovaires. Mon créole, c'est une négresse, une chapine aux yeux verts, une métisse qui n'a rien à envier à Miss Univers. Et quand tu la dragues, elle fait des manières et te mate de travers. Mais mon créole, c'est un soldat, il lâche pas l'affaire. Mon créole, c'est un gangster qui fait la une des faits divers. Et si tu le verses par son salaire, la grève sera sévère. Mon créole, c'est l'héritage de notre calvaire. Mon créole, il pète sa mère, bienvenue dans mon univers. Mon créole, c'est Maurice Condé ou Aimé Césaire. Il est fier d'enrouler les R et manie la langue de Molière. Mon créole, il pète sa mère. Représente les territoires et les départements d'outre-mer. Mon créole, parle fort dans le RER. Il injurie ta mère lorsqu'il est en colère. Mon créole, c'est la langue de mon père et c'est celle de ma mère. À chaque fois que je l'emploie, c'est l'abolition que je commémore. Certains de mes frères pensent que ma lutte n'est qu'une chimère. Ils ont honte de leur patois, pour eux ce n'est qu'une langue primaire. Sa caille est plus loin, c'est pour ça que ma plume est amère. Sucrée comme les doucelettes, salée comme l'eau de la mer. Il kiffe les cancans, punaise, il est pire qu'une commère. Il ne porte pas de plomb à mer, à moins qu'il soit ma commère. Mon créole pense au retour à la terre-mère. Il en a marre de payer ses billets d'avion trop cher. Mon créole, c'est l'héritage de notre calvaire. Mon créole, il pète sa mère, bienvenue dans mon univers. Mon créole, c'est Maurice Condé ou Aimé Césaire. Il est fier d'enrouler les R et manie la langue de Molière. Mon créole, il pète sa mère. Représente les territoires et les départements d'outre-mer. Mon créole, parle fort dans le RER. Il injurie ta mère lorsqu'il est en colère. Mon créole, rappelle-toi bien de ses terres. Rappelle-toi bien. Mon créole a le crâne propre, des locks, des nattes ou des tresses. Il est pose, il a des gosses, un taf et un tas de maîtresses. Il a pas le permis, mais roule en état d'ivresse. Il vit dans une case en tôle, mais devant y'a une grosse caisse. Au boulot, faut pas le fil. Avec lui, rien ne presse. Toute la semaine, il tape dur, le week-end, faut qu'il décompresse. Il aime pas le froid, la France, le stress. Mais même dans l'angoisse, sa tête, il la redresse. Mon créole n'est pas fan de Napoléon Bonaparte. Il est français, mais galère pour se trouver un Bonaparte. À peine posé, mais déjà, faut qu'il reparte. Faut qu'il reparte. Mon créole, c'est Maurice Condé ou Aimé Césaire. Malkema avec Mon Créole, premier extrait de son album en préparation, Philosophie Créole. Et je remercie déjà l'artiste de nous avoir donné en exclusivité ce morceau et précise que tous ces artistes, vous pouvez les contacter via leur Facebook pour suivre leur actualité, Facebook ou autre site. Et on va poursuivre avec un extrait de l'album d'Éric Alerno qui s'intitule Le Voyage et avec le titre du même nom. Et je précise qu'Éric Alerno sera en concert le 24 octobre au studio L'Ermitage avec Sébastien Drumont en première partie, mais nous en reparlerons plus tard. Elles sont rouges comme les nez de mes pères. La terre mère. Des souvenirs ancrés dans les arbres, des racines noueuses. La sagesse ancestrale des femmes du village. Mes larmes bien des fois ont coulé, mais des larmes de joie. De mes pères. Eric Alerno avec le titre Le Voyage, gros concert le 24 octobre, je vous invite vraiment à aller chercher vos places parce que les musiciens de très haut niveau vont l'accompagner. On va changer de style toujours dans Conelambi, musique jeudi, consacrée aux musiques d'aujourd'hui parce que musique nous épanouit qui nostalgie. L'homme s'appelle Pompis, le titre Rude Boy, extrait d'une série de DJ Fly, on écoute ça tout de suite. Que moye pa li fe zami Pompis, dea Hach Gal non mwen se Pompis Se ke Eril Gyalis An pa konet li chek Rele mo Jack Norris ou pa men Mwen mwen deye Tou bout konde ou lisansi le Seli l'unik pa niza fe de podis Gal ou ve sa flesien ki vene Yon kole soni po saf Dovan poum poum an pa kakouri Na deklari Se pa tou di a mou kabay Depi fote franchise Ma mon nègre chabine Chape collé, j'ai pas le temps pour les gamines Gâté pourri, non, 100% des gars ça finit Toujours au lit, vinique tout, sans vinique tout Pour vinique tout, toi acolyte satisfaite Ou remboursé, gal c'est promis Pulse, témine, amen, pas jamais Kaye trop vite, non ma obad Nous kaboye, con lip, tonique, latini Et chip, sérieux, la panie, et chip, comique L'autre boy qu'on n'a pas jamais fait lèche vitrine L'autre boy qu'on n'a pas qu'à faire copain copine L'autre boy qu'on n'a qu'à faire des coachs chevotines Fancy nous qu'on va m'payer des hémoglobines L'autre boy qu'on n'a pas besoin de pièces caféine L'autre boy qu'on n'a qu'à pas faire bon vitamine L'autre boy qu'on n'a c'est l'autre sex machine Bête à l'ouf, font y'y vente qu'on dashine dashine Non ma ou essayez pour un autre pas qu'à comprendre en patate Tout vivre sur place nous car à les femmes pas qu'à dial Kaplié y'en dé, y'en pas moutant d'aclap Hear this, bambo clap This is from your move, machin café camarade Number one, nous font tout it parade Ici anglaise, française, africaine ou arabe Mi c'est 6h30, y'all, straight forward Road boy qu'on n'a pas jamais fait les vitrines Road boy qu'on n'a pas qu'à faire copain copine Road boy qu'on n'a qu'à pété coach chevrotine Femme si nous qu'on va m'paya derrière hémoglobine Road boy qu'on n'a pas besoin pièce caféine Road boy qu'on n'a qu'à pas femme bon vitamine Road boy qu'on n'a c'est road sex machine Bête à l'ouf, on y vente qu'on dashin dashin Y'all non moi c'est pompé, c'est que Eril Gyalis Sans pas connaître l'échec, que les mots Jack Norris ou pas même Ouais moi d'ailleurs, tout votre compte dans Holy Sun Peace, le titre Rude Boy, après le jazz, le hip-hop, le zouk, la soul, eh bien, on continue le panorama des musiques d'aujourd'hui, tout ce qu'on peut entendre en provenance des Antilles et la musique créole en général, et on reste sur le dancehall comme à l'instant, avec cette fois Admiralty pour le titre Inspiration Divine. Oh, pas moi, maman, brand new rhythm, pas moi, ancien rhythm, 2010. Yeah. Nah, yeah. Quand Merci, papa. Dit. Comment nous inspiration là, elle veut nous transmettre les papes placés. Tout ça qui était quoi qu'elle nous t'a qu'elle y abandonné, y'a des guépettes si y'a des paillets. Nah, yeah. Commence. Da one yon yon boom. Brand new tuna, tuna. Papa la ka bless nous, when nous ka basso tuna. L'année y'a pour l'année, nous la nous pas qu'à l'année. Ma que jalousie, ma que les coups, da one yon yon. Brand new tuna. Papa la ka bless nous when nous ka basso tuna L'année y'a pour l'année nous la nous pas qu'à l'année Ma que jalousie ma que les couba Tout ça qui te kwe ken nous te ke y'a abandonné Yo te ke pet si yo te paye 90, 2010, réel artist Pour les meilleurs, pour les pires et puis musique là nous maye Firebomb tout hypocrite, mode of fuck Arrasé tout ça qu'a fait yo passé pour ça yo paye Inspiration divine, pas besoin stylo ni kaye Da on yon yon boom Juna, Juna. Papa la ka bless nous, we nous ka baso chuna. Lande ya pou lande nou la nou pa ka lange. Ma ke jalousie, ma ke le kouba ta moun yo nim, nim. Brand new Juna, Juna. Papa la ka bless nous, we nous ka baso chuna. Lande ya pou lande nou la nou pa ka lange. Ma ke jalousie, chante basa ki ka soufè. Pou sa ki fort, pou sa ki faible. Melody ka sorti yon ke. Han nou chante l'amour, espere yon moun meye. Hademadabal, hademadabal, halte. Toujours aussi de terre ou qui est. Eh, connaître sa ke, yon kriye poche vide. On a mai si, celle du seul qui ka servi nous guide. Mais pas bouze, pas bouze, pas bouze, pas bouze, pas bouze. Mon charlatan, on a mai si, it's all I need. That one yon new boom. Brand new tuna, tuna. Papa la ka bless nou, we nou ka baso tuna. Lende yon pou lende nou la nou pa ka lenge. Ma ke jalousie, ma ke le kouba, that one yon new. Ha, brand new tuna, tuna. Papa la ka bless nou, we nou ka baso tuna. Lende yon pou lende nou la nou pa ka lenge. Ma ke jalousie, malgré les courbes, qu'on a vrai nous toujours là. Nous avons fait travailler jusqu'au bout de pas la yé qui pousse ou là. Nous avons dit force à peuple qui a pensé tout bas. Black enemy, fuck c'est jaloux là. Ça qu'a fait long time que nous là, qu'a travail. Bénédiction à Almighty Eye. Peu pas des vieux si mauvais rail. Ça va là nous sortir donc là nous caille. Aïe, that one yon new boom. Brand new tuna, tuna. Papa la ka bless nou, we nou ka baso tuna. Lande ya pou lande nou la nou pa ka lange. Ma ke jalousie, ma ke le kouba. That one yon new boom. Brand new tuna. Inspiration divine, big big tune d'Admiralty, extrait de l'album Face B. À se procurer de toute urgence, et voilà, la qualité vient de tous les styles musicaux aux Antilles, et on poursuit toujours avec une dédicace aux artistes de chez nous, avec le titre Respecté Artiste, l'homme s'appelle Café. Il peut faire rêver, il peut faire danser, il peut faire waler leur propre genre. Il peut parfois et puis courage, il peut faire sourire en mettant l'orage. Laïka éteint. Respecte sa que tal, yeah. Respecte artiste, si vous voulez qu'il vous plaise. Her Guadeloupe en parle bas. Respecte sa que tal. Big up vous si podium, big up vous en Larry. Mais l'autre si on produit, yo ka a dit ou en pani. L'agence si me gagne sa ti mal, ok point après. Gade ou en mitanzie, et tu force pour après. Hello kapou et éveille, yo bise en bas masco. Yo ka compter si ou pour pas changer. On peut pas compter si yo jamaïcain, américain. Ka sorti là, yo sorti. Depuis pia yo ici, c'est la chasse à l'euro. On pas ka plaire si ça en moins. A pas musique à bas manger, mais en crône ton lot qui lag et tout beat, j'y peux changer. Couleur à vie à zot, si zot d'accord, zot d'accord, si zot pas d'accord, ok. Mais pas moi, à vie à zot, on savent que ça bon j'ai qu'à pas y pas qu'à vous prendre. Si bas en musique, si bas en critique, si bas en manier peinti, encore avec rythmique. Faut faire servi pour gloire, on why. Respectez artistes, si vous voulez qu'il vous plaise. Pep Guadeloupe en parle bas. Respecte sa que tel, yeah. Respecte artiste, si vous voulez qu'il vous plaise. Her Guadeloupe en parle bas. Respecte sa que tel. Encore une grosse nouveauté, c'est sorti vendredi. Vous pouvez aller voir le clip sur YouTube. Le titre « Respecter artiste », ça veut dire « Respecte l'artiste ». L'homme s'appelle Williams Café. Et un son encore en libre téléchargement. Donc n'hésitez pas à respecter l'artiste. C'est acheter, acheter ses produits, c'est aller le voir sur scène. C'est télécharger sur les plateformes les albums. C'est télécharger les titres gratuits, en parler autour de vous. Conlambi, spécial Music Jeudi consacré aux musiques d'aujourd'hui et on va poursuivre avec un artiste qui a sorti tout récemment son album Explicit Lyrics. L'homme s'appelle Neglyrical. Le titre qu'on va entendre, c'est Zanzibar. Et juste après, on aura l'interview, puisqu'on est, nous sommes rendus à son concert à la Bracadabar. Et on va entendre Neglyrical, mais également T-Flash et Le Man, il me semble. Donc ça, c'est pour très, très, dans quelques instants, juste après le titre Zanzibar, qu'on écoute tout de suite. La traite orientale. La traite orientale a duré 14 siècles. Zanzibar, c'est l'équivalent de Corée. Chaque année, des milliers d'esclaves étaient déportés. Ça existait chez l'Égyptien, le Romain et le Grec. Mais la traite orientale a duré 14 siècles. Quand une guerre s'enclenche, ses premières victimes, les enfants. Mercenaires chassent à l'homme, commandité par des marchands. La jurisprudence islamique fixe des règles relatives à l'esclave, plus la pratique sur des peuples noirs en Afrique. Envoyé sur une plaque tournant tête la Tanzanie. 15 000 par an, ils transitent vers le Brésil ou l'Arabie. Il n'y a pas eu que seul esclavage. Des syndicats de négriers arabes dès le Moyen-Âge. Des chasses à l'homme dans les villages. Tu vis de 3 mois de traversée du Sahara. Traitement barbare, ils en mouraient aux 3 quarts. Quand arrivés sur les marchés, ils étaient cassés. 20% de morts sur le trajet de l'Afrique au Maghreb. On nous parle de Gorée, jamais de Zanzibar. La traite orientale, celle qui a perduré dans l'histoire. On nous parle de Gorée, jamais de Zanzibar. Le pétrole fut pas le seul en noir des Émirats. Les négriers ont longtemps sévi en Afrique noire. Ces visages et ces villages emportent encore les stigmates. On nous parle de Gorée, jamais de Zanzibar. La traite orientale, celle qui a perduré dans l'histoire. La traversée des captifs vers des pays lointains. À travers le désert, la mer rouge, l'océan indien. Les galabes, les habibs, les mamelouks. Les commerces du Caire, d'Istanbul, de la Mecque ou de Tombouctou. Besoin d'hommes pour l'armée, les chantiers, les mines de sel. Besoin de femmes dans les harems, exploitation sexuelle. Dans un désert aride, les exploitants sont avides. Noirs et esclaves sont synonymes dans le mot habite. Jusqu'au début du 20e siècle, ils s'exercent et perdureraient même dans certains bleds. Sans aucun respect pour la personne humaine. Alors je dénonce une injustice. La traite orientale dépasse la traite transatlantique. L'une a duré 14 siècles et la deuxième 4. Minimiser l'une ou l'autre, c'est inacceptable. Savoir dire non aux traditions dont les victimes se comptent par millions. Devoir de mémoire. On nous parle de Gorée, jamais de Zanzibar. La traite orientale, celle qui a perduré dans l'histoire. On nous parle de Gorée, jamais de Zanzibar. Le pétrole fut pas le seul en noir des Émirats. Les négriers ont longtemps sévi en Afrique noire. Ces visages et ces villages emportent encore les stigmates. On nous parle de Gorée, jamais de Zanzibar. La traite orientale, celle qui a perduré dans l'histoire. Colombie, samedi 29 septembre, à la Bracadabar, à l'occasion de la soirée organisée par Neglyrical. Pour la présentation de son nouvel album Explicit Lyrics. Donc, on l'a en face de nous, l'organisateur Neglyrical, ça vous fait. Eh bien, moi là, je sors à l'instant de scène là, je suis là. Un bon petit showcase ce soir, j'ai présenté l'album en exclusivité quoi. Tu peux nous présenter aussi le concept de cette soirée, puisque ça reprend un peu quelque chose que tu avais fait en Martinique à l'époque avec les soirées hip-hop, bokai et tout ça. Alors tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a motivé à avoir cette résidence, on peut dire, sur Paris? Écoute, là c'est la deuxième soirée qu'on fait à la Bracadabra. La première c'était en août, c'était ça? En août, on a fait une première et puis là c'est la deuxième. La première c'était hip-hop créole en maître avec divers artistes. Et puis la deuxième là c'est la présentation de mon album Explicit Lyrics, et puis il y en aura une autre le mois prochain, et ainsi de suite. On essaie de faire un rendez-vous régulier pour les massifs qui viennent régulièrement, quoi. Et tu peux juste faire un petit historique, parce que les gens, ce qu'ils savent pas, c'est que tu es très actif au niveau de la compo, mais aussi au niveau de l'organisation. Alors tu peux juste expliquer ce qui s'était fait avant. Oui, parce qu'en fait, je suis auteur, compositeur, réalisateur et producteur, donc je touche un peu à tout. Et il se trouve que oui, je me suis aussi lancé dans l'organisation d'événements depuis peu. Et voilà quoi, en fait, le but est de faire revenir régulièrement les gens, une fois par mois, dans une salle où ils peuvent apprécier les rappeurs créoles. Et voilà quoi, donc en fait, là, c'est le quatrième album. qui est sorti cette semaine. Donc c'était l'occasion de le présenter en exclusivité au public, quoi. Alors justement, parle-nous de ce nouvel album Explicit Lyrics. Qu'est-ce qui différencie de ce que tu as fait avant? Ben, c'est un album entièrement français déjà. C'est un album très travaillé au niveau des textes et des musiques. Toujours dans le style lyrics conscient. Donc j'essaie de traiter des thèmes assez profonds tels que la spiritualité, politique, historique, sociaux. J'essaie de toucher un peu à tout, mais avec des sujets, on va dire, qui ne sont pas toujours abordés, quoi. Avec qui tu as collaboré pour réaliser cet album? En fait, c'est ma propre production, c'est mon petit label Neglirical Lab qui produit l'album en association avec mon éditeur. On a produit l'album, mixé l'album. Donc c'est le premier album aussi sur lequel je suis ingénieur du son. Donc j'ai mixé aussi une grande partie des morceaux avec mon éditeur. Et voilà quoi, c'est toujours dans la démarche de faire les choses par nous-mêmes, de rester productif et d'être entreprenant, quoi. Ok, alors il y a des scènes que tu m'as dit qui allaient être prévues. Est-ce que tu as des dates à donner? Oui, tout à fait. Alors, on a le vendredi 2 novembre à l'Inattendu. Ce soir, on a présenté l'album sur Instrumental. Et le vendredi 2 novembre, on présente l'album en live, donc avec un groupe live, à l'Inattendu avec BLB Band. Sinon, le jeudi 9 novembre, soit une semaine après, un autre showcase dans un autre bar dont je vous donnerai le nom sur internet. Donc n'hésitez pas à me contacter et aller voir mon Facebook Neglirical. C'est là que je tiens vraiment au courant de tout ce qui se passe. Donc tous les jours il y a des actualités sur le Facebook Neglirical. D'ailleurs je vous invite aussi à aller voir sur YouTube le nouveau clip extrait de l'album Explicit Lyrics. Il y avait un premier clip qui s'est sorti il y a quelques mois qui s'appelait Tu les tues. Et là, le nouveau clip s'appelle La chair et l'esprit. Donc, je vous invite à aller le voir aussi. Ok, un gros rouleau pour tout ce que tu fais parce que, effectivement, tu as toujours été constant en activisme, on va dire. Je tiens à te féliciter pour tout le travail que tu fais et je te souhaite que du meilleur pour la suite. Ben, je te remercie. Big up Conlambi, big up à tous les auditeurs. Restez connectés, Conlambi, vous avez déjà connaître, travail à la café. Big up, big up, big up. Business, bad man business, fire fire business, apathy stress, dead girl business, drive by business, food fizzy business, papoule fillet, pistolero business, desperado business, bracelotto business, cabinet business, gun man business, bad man business, fire fire business. Kamikaze, un homme qui opprimé. Il peut fou en balle, valait combien comprimé après. Respecter tout le monde, man, ça faut apprendre. Même si ni des timides tout le temps qui capétonne. Quel yorige, j'en dis là, y'a contrôle les pochons des meilleurs. Comme l'on dit en direct de la Barricade Bar, à l'occasion de la sortie de l'album de Neglirical, le nouvel album Explicit Lyrics. Cette soirée du 29 septembre. Où il a accueilli différents MC, dont Le Man, qui est en face de nous. Salut Le Man. Oui, salut, comment va? Tranquille, tranquille. Donc, on t'avait déjà reçu à maintes reprises lors de nos spéciales hip-hop créole. Ouais. Donc, tu es venu aussi pour présenter l'album que tu as sorti là. Surtout soutenir le book qu'on appelle Neglirical, qui est un MC. Que je connais depuis longue date et qui fait qui représente bien le hip-hop, je trouve. Et donc par la même occasion, oui, effectivement, proposer mon univers aux gens, accepter l'invitation parce que voilà, l'album qui va sortir, Explicit Lyrics, moi je trouve que voilà, c'était un bon moyen de sa part de me big up aussi. Donc moi j'ai fait en sorte de lui donner le meilleur pour sa soirée et puis de présenter mon album qui s'appelle Alors c'est pour quand. Alors, tu peux nous présenter en quelques mots l'album, avec qui tu as collaboré? On va dire, pour bien expliquer aux gens, que là, c'est uniquement la sortie digitale. Donc, l'idée, c'était de permettre aux gens d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Parce que moi, j'ai eu l'occasion d'organiser des open mic et j'avais rien sorti. Donc, j'avais un peu honte et je me suis dit, mais c'est pas normal, je peux pas aller sur scène, faire kiffer les gens. Et puis, les gens, ils ont rien à aller... pour pouvoir télécharger, ne serait-ce que télécharger, c'est pas grave, il télécharge, on est dans une ère où le téléchargement c'est gratuit, les gens ils se procurent des sons. Donc pour qu'ils puissent avoir mon univers dans leurs oreilles et puis qu'ils puissent kiffer aussi. Et l'idée c'était de, si voilà, s'ils apprécient ce que je fais sur scène, ben, qu'ils aient la possibilité d'aller découvrir mon univers sur le net. Donc sur SoundCloud, j'ai mis l'album, le street album d'Open Mic Flow. Et sur Deezer, mon album Alors c'est pour quand est disponible sur toutes les plateformes connues, hein, iTunes, Orange, Virgin et tout, quoi. Donc l'album c'est Alors c'est pour quand, sur lequel on peut retrouver des productions de DJ Phony. Ouais, DJ Phony, Hugo. Il y a un instru d'un gars qui s'appelle Franck, c'est un batteur que j'avais rencontré et puis j'ai perdu la trace, mais voilà, j'ai toujours dit que voilà, si je sors le son sera proprement exploité, et donc j'espère qu'il y aura l'occasion un jour de l'entendre et de réaliser que j'ai pas oublié, que j'ai bien mis son nom en tant que compositeur. Il y a des instrus aussi de Saber, alias Ayadi, et de moi-même. Voilà, donc il y a aussi des petites collaborations, je vois qu'il y a eu Nec Lyrical, il y a eu Kamad, il y a eu La Gâchette aussi. Ouais, donc en fait j'ai mis un titre qu'on a fait pendant la période d'une semaine de grève. On avait fait un titre qui s'appelle Bad Boy Business avec Tiyoud, Kamad et Nec Lyrical. Et je leur avais toujours dit, ce son-là, il m'a tellement pété, il m'a tellement mis bien, sachant que ce son-là, sans oublier que c'est DJ Phony. Hein. Donc Phony en tant que beatmaker. Et donc j'ai toujours dit aux gars, je vais mettre ce son, parce que ce son-là, il est trop bad, et je l'ai fait. Et ensuite, avec Ayadi, sur un remix de Mike Flo, dont le clip est disponible sur YouTube. Et une collaboration avec un jeune d'à peine 18 ans, qui s'appelle Kimberley, dont j'ai fait le clip. Le morceau s'appelle « Un mic où je pète un câble ». C'est un morceau, voilà, c'est hip-hop acoustique. Et puis le reste, ça m'a permis de présenter toute la panoplie de mon univers artistique sur cet album, donc je pense que les gens ne seront pas déçus. Très bien, donc ben, pour présenter cet album, des scènes de prévu? Ben je fais en sorte, justement, là maintenant j'ai moins de frustration à faire des scènes, donc oui, j'en fais énormément, surtout en acoustique, et ce soir j'ai eu le plaisir de me reproduire sur scène en hip-hop, et quand j'ai vu l'engouement que ça a créé sur le public, ça... Moi j'avoue, je suis arrivé sur la fin, mais quand j'ai vu le public, il était chaud, hein, par rapport à ta présence sur scène et tout. Donc les enfants, hein, écoutez déjà l'album et vous verrez ce que ça donne sur scène bientôt. Donc restez au courant. Il y a moyen de se tenir au courant de ton actualité. Tu notes juste Le Man, compte officiel. Et puis tu me demandes en ami, moi j'accepte tout le monde, hein, je fais pas de chichi, les réseaux sociaux c'est pour ça, c'est pour partager. Donc comme ça les gens ils pourront me suivre. Et puis j'ai ma page fan, donc Le Man, L-E-M-A-N. Et je suis ouvert à tout à partir du moment que ça va dans des vibes positives et qu'il n'y a pas d'entourloupe. Ok, bon bah merci Le Man, bonne continuation, puis on se check. Merci à toi et puis à la prochaine radio. Hein. Oui, mais sans problème. Ok, allez, big up, big up. C'est le man qu'il a, alors faut pas qu'il arrête de suivre quand des killers savent comment faire honneur aux sauts qui leur plaît. Un son de valeur, maintenant valeur pire que leur pire cauchemar. Wadada fait partie du réseau, qui l'aurait cru. Des gars colère de rien mais qui tue, coloré, musical et collard. De relever plat, maintenant faire voir, tu verras ce qu'est l'artiste des dom-dom. Car sur l'instrumental, mes hommes donnent, y'a pas clair, non. Et le lyrique ce qu'ils font, un style complet qui plaît, voilà ce que nous kiffons. Quand je fais mes phases, je sais qu'ils font, car je fais ce qu'il faut pour attirer l'attention. Maintenant quand j'entends ce qu'il faut de la merde, ça me tue. Ah. Car non seulement il mérite, mais on porte la force. MC, Kino, T-Flash, Colin, Matt Nickman. Voilà, toujours à l'Abracadabar, à l'occasion de la présentation de l'album de Nec Lyrical Explicit Lyrics. Et parmi les artistes qu'il a invités, il y a T-Flash, membre du groupe C'est Nous-Mêmes, ouais. quelqu'un qui est là depuis très longtemps dans le mouvement hip-hop Bokai. T-Flash, bien bon souhait. Les gens ne te connaissent pas vraiment, donc juste t'expliquer un petit peu ton parcours jusqu'à maintenant et puis les projets que tu as pu sortir. Yeah, man. Ah, ben, l'aventure de T-Flash a commencé en 92, ouais, en vérité. Ouais. Bon, avant, j'écoutais du rap, j'étais sur Public Enemy, Digital Underground. Mais bon, la vérité, c'est que j'ai rencontré des gens qui kiffaient la même musique que moi, seulement arrivés dans les années lycées, on va dire. Ouais. À ce moment-là, j'ai fait des connexions avec des frères. D'abord, c'est nous-mêmes, qui veut dire Rachid, K-A-R-L, Panique, Modestie, Respect, ouais. C'est loin, mais c'est la vérité. La vérité est toujours présente. L'histoire qu'il a. Il y avait aussi Nek qui pas qu'à faire la fête. Bien sûr, qui était là comme pilier, fondation. Parce qu'au moment où on est en train de faire le truc chez nous dans la chambre, eux, ils étaient déjà sur scène. Donc, on a essayé de suivre ça. La première scène de T-Flash, d'ailleurs, c'est grâce au Nek qui pas qu'à faire la fête. Je me rappelle plus si le truc s'appelle Parole qui est tombée concorde ou bien Travailler la famille. Mais je sais, il y avait plein d'artistes. À l'époque, il y avait Daddy Lee, il y avait Tony MC, General Cho. Dans le rap, il y avait Wally et Kwebi. Il y avait différentes personnes, différents groupes. Et on a eu la chance de faire une première prestation sur le forum France Fanon, du nom d'un grand homme de notre pays. Ça qui savent, savent. Et voilà, c'était la première fois. Ensuite, Don Miguel. Bon, Don Miguel, il nous a donné la chance. Il ne faut pas dire le contraire. Il nous a fait participer à un projet en tant que c'est nous-mêmes qui s'appelait Martinique Dancehall. C'est avec plaisir qu'on a fait ça. Et on a posé un titre dessus qui était plutôt un titre à gamme fine. Mais toujours là, rap est toujours là. Ouais. Ensuite, deuxième participation. Quand je dis ensuite, c'est pour résumer. Hein, parce qu'en tout cas, il y a beaucoup de podiums, il y a beaucoup de choses qui se font. Ouais. Donc deuxième participation sur le Dancehall Party. Toujours avec Don Miguel. Et si, le gars l'a kiffé, donc il nous a rappelé. Et on y est allé parce que nous-mêmes, on a trouvé que c'était un gars et poussait bien. Voilà. Donc, résultat, on s'est retrouvé sur le Dancehall Party. Ouais. Toujours un morceau à Gamuffin. Et là, on a réussi à placer un petit couplet de rap. On était contents. Ouais. C'était en quelle année, ça? Waouh, le Dancehall Party, ça doit être en 93 ou 94. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est dans ces eaux-là. C'est vieux, mon maï, c'est vieux. Dessus, Daddy Harry, défunt de Daddy Harry, qui est décédé un petit peu avant l'été, là. Oui. Il avait posé une tune super magistrale sur ça. Ouais. Bref, d'une seule partie est passée. Ensuite, on a continué les podiums, les prestations entre la Martinique et la Guadeloupe. Et puis arrive Rilsi, excusez-moi, monsieur Rilsi, un producteur français, enfin, qui venait de France et qui voulait s'installer aux Antilles. Monsieur, il a produit un projet qui s'appelait Dawick. On a participé sur ça. Quand je dis « on », c'est parce que ça fait pas si longtemps que ça que je suis en tant que T-Flash dans le Negligical Lab, un petit peu en solo. Parce que jusqu'à les dernières années, là, je faisais partie du « c'est nous-mêmes ». Donc, c'est pour ça que je dis « on ». Que les gens comprennent, Massive, il faut que tu comprennes. Bref. Donc, on a posé ça avec Rilsi, on a posé une tune sur ça. Là, c'est un morceau de rap ouais, complètement bien propre, parce que ça a mis du temps à être accepté aux Antilles, le rap. Parce que, t'as vu, on aime bien les trucs de la France, mais on aime pas le truc des... J'ai envie de dire les négro-ricains, mais les gens comprennent pas le mot négro. Donc, je vais dire les noirs américains, ouais, les africains américains. Ils sont pas sur ça en Martinique. Tu sais pourquoi? Parce que les instants dirigeants savent très bien que c'est des rebelles et qu'ils ont envie qu'on reste dans l'assimilation. Ouais. Donc, bref, n'en parlons plus. Donc la Dawick. Dawick, après. Ah ben après, c'est Lyricol, des soirées, Campus FM, on a fait des prestations là-haut. Qu'est-ce qui s'est passé après Dawick, le tout concret. Ah ben, pour moi, c'est l'album des Nègres, hein, c'est ma première participation en 99. Sur un album où je me place en tant qu'artiste solo. Sur un morceau que Lyricol m'a donné la chance de... Sur lequel Lyricol m'a donné la chance de participer. Qui s'appelle... Encore les répondaient, Donc ça, c'est le début de T-Flash. En même temps, T-Flash, il est parti en France. Man, j'habite à Metz. Aussi bizarre que ça puisse paraître. J'habite là-bas. Donc, moi, t'es qu'à faire musique et puis des bouc Metz. Ouais. Un groupe là, des funkmen. Ouais. On a fait de la musique pendant au moins 3-4 ans. On a ratissé les bars, on a fait 2 ou 3 podiums. Je vais pas mentir, on nous donne pas notre chance. Donc on n'a pas fait tant de podiums que ça. Par contre, les bars, ils nous connaissent. Ouais. Juste, il y avait la compilation 9-7 de hip-hop. Ouh, j'avais oublié ça. Ouais. Un moment d'anthologie, encore une fois. Ouais. On s'est tous retrouvés là. Je me rappelle plus comment il s'appelait encore, le monsieur qui faisait ça. En tout cas, il était sympa. Ouais. Monsieur l'a réuni, tous les artistes locaux, il nous a téléphoné, il nous a dit s'il te plaît. Nous, on était plus contents puisqu'on se fait diffuser. Et le morceau Plus Justice. Ouais, le morceau Plus Justice. Encore une fois, avec c'est nous-mêmes, qui veut dire Rachid et Panique. Rachid au rap, bien hardcore. Panique, c'est Singé, c'est Ragamuffin. Écoutez ça, Plus Justice sur la compilation. 9-7 de hip-hop. Et donc, tu es venu t'installer là en France hexagonale, comme on aime dire. Et du coup, tu t'es rapproché de Lyricol. T'es entré dans son écurie Neg Lyricol Lab. Et là, tu as sorti la fameuse mixtape, T-Flash mixtape là, Alors juste me parler de cette expérience. Ah oui, quel drôle de format, ouais. Moi je connaissais pas ça. On m'a dit, tu veux faire une mixtape? J'ai dit, mais non, il n'y a plus de cassette. Ouais. Non, mais on appelle ça quand même mixtape, mais c'est un CD. Ah ouais, ça m'intéresse. Ouais. Bref, effectivement, en 2003, on a formé avec Lyricole. On a assisté à la fondation du Lyricole Lab. Le Lyricole Lab, c'est quoi? C'est un gars, il est multitâche, ouais. Il porte, ce soir, il avait deux casquettes. Pour ceux qui étaient au show, ils sauront de quoi je parle. Mais quoi qu'il en soit, ouais, monsieur, il est producteur de son, auteur, compositeur. Vous-même, vous savez, Lyricole. Bref, on a fait ça ensemble. Le Lyricole Lab, petit flash mixtape là, le street CD. Eh ben frère, ça s'est fait en une semaine. Qu'est-ce que je raconte en une semaine? Ça s'est fait en trois jours chez Lyricole. Hein. J'ai rassemblé toute la force que j'avais en moi au niveau lyrics, tout ça. Puis on a posé ça vite fait, mais bien fait, avec la grosse. Yes, alors maintenant les... Il y a un truc super important dont j'ai oublié de vous parler, qui est toujours disponible sur les plateformes de téléchargement. Ah, on appelle ça Rimet Razier. Ah oui, j'ai oublié ça, anthologique, ah, oui. Là, c'est la réunion. Exactement. La réunion des tontons, des Néglyricole, Patché Lyric. Et je trouve que cet album-là, il est anthologique parce que pour la première fois, on a entendu des sons qui puissent dans nos patrimoines, dans le zoo, dans... Mais c'était le but. Justement, on écoute de la zik antillaise. On aime ça. On aime... comment qu'elle s'appelle la fille qui chante là? Mon Dieu, excuse-moi madame. On aime Daniel Saint-Val. On aime aussi... Soleil, chaud, la nuit. La Perfecta. La Perfecta. On aime requin, on aime Afro Combo, on aime Tabou Combo. Je suis plus fort en compas, excusez-moi. On aime tout ça, on aime Eugène Mona. Même s'il n'apparaît pas sur le Rimet Razier, il apparaît déjà sur l'album de Lyricole, de Lyricole qui parlait avant. De A à Z, tout à fait. Ouais. Eh bien, on a fait Rimet Razier pour se faire plaisir, pour chanter sur des musiques qu'on aime et puis qu'on avait envie d'entendre reprises en hip-hop. Les Américains reprennent Otis Redding. Pourquoi on reprend Otis Redding? Mais non, frère, fais-moi reprendre Raftamar, Martinique. Voilà, vous avez expliqué tout son parcours. Maintenant, je pense que les auditeurs attendent la suite. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour la suite de l'aventure? La suite, c'est quoi? La suite, c'est un grand secret. Mais comme on dit aux États-Unis, parce que moi, bien, je parle anglais, ouais, comment... Les gens qui disent, on ne peut pas prendre un fais pas l'Americano. Écoute, à gauche, il y a Sainte-Lucie, à droite, il y a la Dominique. Tout le monde peut parler de Louchon, tout le monde peut parler de quelqu'un. Alors, je parle anglais. Si m'en donc, stay tuned, people. Stay tuned. Et comment est-ce qu'on a fait pour stay tuned? Pour être à l'écoute, pour rester à l'écoute, pour savoir ce qui va se passer bientôt pour T-Flash, tu as plusieurs moyens. En vérité, tu as deux gros moyens qui se trouvent sur Internet. Je ne vais pas te mentir, toi-même, tu connais Massive. Il y en a un, c'est Facebook. Il est en plein essor, il est en train de manger tout. Et le deuxième, c'est MySpace. MySpace, c'est moins mort là. Ben, il est mort. Mais on toujours en profil en l'air. Donc, les mangas font news, les mangas là, j'ai un nouveau tune, il va tomber là. Ouais. Et puis après, si on est diffusé. Ah oui, il y a un projet là pour T-Flash. J'ai oublié de te dire ça, Pascal. J'ai oublié de vous dire ça, Massive. Le Dawick 2 se prépare là. Aïe, alors, c'est du lourd ça. Le mec qu'on appelle Rilsi, il a décidé de faire 40 MC. Chanté sur 4 CD qui devront sortir entre 2012 et 2014, 2013 et 2014. Ça, c'est le scoop là, scoop Colombie, frère. Man, normalement, je sais même pas si je peux dire ça. Mais bon, comme la chose est lancée, bon, voilà. C'est de la promo, promo time. De toute façon, les choses se font. Donc, stay tuned. Bientôt, tu vas entendre un nouveau son de T-Flash. On va venir chatter en créole dans tes oreilles, Massive, parce que je sais que t'aimes ça, comme moi j'aime ça, la langue de mon pays. Ils ont dit que c'était pas bien, nos parents nous ont tapé pour qu'on parle pas créole dans la rue, mais on parle quand même ça. On parle ça quand même. On parle mieux que le français, t'entends les carreaux. Bon, bah, en gros rouleau, hein. T-Flash, et bon, on se tient au courant pour la suite. Et mon carré, c'est des boucons, monsieur Pascal, de Conlambi. Écoutez bien, ben fréquence là, Pascal. FPP 106.3 sur internet www.rfpp.net tous les dimanches de 16h à 17h, première partie pour la Guadeloupe la Martinique. Et là, c'est nouveau concept d'émission chaque premier dimanche du mois. Colombie musique jeudi, donc toute qualité musique, yo pas les tonnes, la caillou. Ok, c'est ça, main en Massive. Massive, restez à l'écoute, Colombie. Brrr. Colombie en direct de la Barricade à Bar. Et oui, vous avez entendu cette interview exclusive. Néglyrical, Le Man et en dernier, c'était T-Flash. Musique jeudi, on revient. Colombie revient chaque dimanche et Musique jeudi, ce sera le premier dimanche de chaque mois. Je vais juste annoncer pour terminer quelques concerts, puisqu'il n'y a pas que les albums, il y a aussi les artistes sur scène. Le 18 octobre, vous avez Washista avec le DBL Band qui sera au Gambetta. C'est 7 euros l'entrée, donc allez-y. Hip-hop créole et plus encore, il va y avoir une grosse ambiance. Le 19 octobre, vendredi 19 octobre, c'est mon groupe à moi. Là, chez Chivé, nous serons au Downtown Café, rue Jean-Pierre Thibault à Parmentier et l'entrée est gratuite. Donc venez, il y aura beaucoup de sons, sélection de MP3, vinyle et également bien sûr du live et des MC dans la place. Avec Simone, la paroleuse, qui sera notre invitée. Le 24 octobre, on l'a dit tout à l'heure lorsque nous avions joué son morceau, Erika Lernot, avec en première partie Sébastien Drumeau, va venir chanter au studio L'Ermitage à 20h30. Allez chercher vos places à la FNAC et partout. Et pour terminer, on l'a dit tout à l'heure, il l'a dit lui-même, le 2 novembre, Neg Lyrical en live avec le BLB Band sera l'inattendu à Pantin. Et donc voilà, c'était Conelambi, partie Antilles, arrive tout à l'heure la partie Haïti.